J'suis tombé nu sur la plage brûlante. Le sable colle, la mer me rend. Un cow-boy perdu sans col ni rang. Dans rue je marche, le destin se penche. Je ramasse du bois, des pierres, du fer. Gratte la terre comme un pionnier amer. À poil mes fiers, je trace ma route. Chaque coup de pioche fait vibrer mes doutes. Un voisin s'avance, une lance en main. Son regard tremble, il sait son destin. Trois flèches claquent, son corps s'écroule. Son sac devient mon premier atout. Les tunnels sombres chantent des voix. Les rats s'enfuient, je prends pas de choix. Torche en avant, je descends profond. Dans l'ombre épaisse, c'est moi qui réponds. Partenaire, allume la poudre des prés. Qu'ils s'abritent, je leur brise la terre. J'entends leurs cris derrière les murs. Quand je charge mes balles, plus rien n'est sûr. Riders qui au boy des terres de rouille. Dans rue, je suis le feu, la peur qui dépouille. Vos bas s'effondrent, vos coffres s'ouvrent. Dans l'orage du face, mes passes courent. Sous les voiles rigues, les bandits guettent. Ils crient des ordres, leurs armes s'apprêtent. Mais un tir sec et l'un s'écroule. Le sang se mêle à la mer qui roule. Sur l'héliport, je pose mes bottes. Les flammes s'élèvent, les caisses m'apportent du souffle. Les connes ramonilées. Dans rue, je suis le juge, viens prononcer. Les bases voisines sentent le feu. Les tours s'écroulent, les cris sont bleus. Je monte mes raids à la lueur des nuits. Les murs explosent, je trace sans bruit. Riders kill, cowboy des terres de rouille. Dans rue, je suis le feu, la peur qui dépouille. Vos bas s'effondrent, vos coffres s'ouvrent. Dans l'orage du Far West, mes passes couvrent. Partenaire, j'entends les murs céder. Leur coffre s'ouvient récolter. Desert farm réduite en cendres. Dans mes yeux brille l'ombre des cendres. Les mines résonnent, les rails s'allument. Le train s'élance, leur crise consume. Cowboy de rouille, cowboy d'acier. Russe m'appartient, y'a rien à céder. Riders kill, cowboy des terres de rouille. Dans rue, j'suis le feu, la peur qui dépouille. Vos bas s'effondrent, vos coffres s'ouvrent. Dans l'orage du Far West, mes passes courent. J'suis né sans rien, j'ai pris vos vies. Rustez mon ouest, et vous êtes punis.